Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Quand je suis cerné, je rêve d'un été français, un été parfait. Rien ne pourra m'arriver, pardonne-moi. Quand je suis cerné, encore un jour dans ma vie où je n'ai pas envie. Non, c'est un jour dans ma vie de rester en bas. Le refrain, c'est le refrain. Refrain. Quand je suis cerné, je rêve d'un été français. Un été parfait où rien ne pourra m'arriver. Pardonne-moi si ici tout devient froid national. Un pays infernal. À nous la petite mort. C'était Indochine. Indochine. C'est énorme, je m'entends. Je m'entends. Un été français. Un été français.